Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées du 26 au 28 mai dans divers pays. L'agence de presse russe TASS, le journal Dagombao et la télévision satellitaire finnissent en Hong Kong et le réseau La Planète de Chine, l'agence de presse japonaise Kyodo, le journal sénégalais Le Populaire, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, le homepage internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique, ont informé de son inspection du chantier de construction du complexe ophtalmologique Lugion. Le journal népalais Arfan, l'homepage internet de l'Association des journalistes népalais d'études des études et de la politique du Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont présenté que le maréchal Kim Jong-un a inspecté l'usine mécanique conduite par Ho Chun-Lyon, alors que l'homepage internet du Comité national nigérien d'études du kimilsunisme Kim Jong-lisme et l'homepage internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont rapporté qu'il a visité la saline de cuisson pour s'enquérir de la production du sel par l'ultrasomur stérène de l'armée populaire. Les homepages internet chinois du Congo démocratique et allemand ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.